les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. De quoi était fait le pain quotidien d'un adolescent fou de cinéma à la Libération? Quels films voyait-il? Où les voyait-il? Comment accueillait-il les films américains qui arrivaient alors en masse sur les écrans français? Quels étaient les magazines, les revues qui accompagnaient sa passion? Qui mieux que François Truffaut aurait pu en témoigner? En 1976, l'année de l'argent de poche, au micro de Claude Jean-Philippe, dans Le cinéma des cinéastes, Truffaut racontait ses années d'après-guerre, durant lesquelles s'étaient formés les goûts et la culture cinématographique qui allaient le mener vers la carrière que l'on connaît. Des années bénies pour les cinéphiles qui, de la cinémathèque au ciné-club, en passant par les cinémas de quartier, découvraient l'Amérique et l'Italie, renouaient aussi avec le meilleur du cinéma français. À cette époque, présent sur tous les fronts, où était présenté, pensé et transmis le cinéma, le nom d'un nouveau venu dans la critique cinématographique s'imposait, celui d'André Bazin, qui allait, par ses écrits, influencer l'histoire du 7e art. Bazin, qui, on le sait, devait également profondément marquer la vie d'homme et de cinéaste de François Truffaut. François Truffaut, au micro de Claude Jean-Philippe, dans Le cinéma des cinéastes, première diffusion le 8 février 1976 sur France Culture. François Truffaut nous a raconté dimanche dernier ses premières émotions cinématographiques pendant cette période de l'occupation et du blackout, où les alertes interrompaient parfois le cours d'une projection, en brisant net le déroulement des rêves. En 1945, Truffaut a 13 ans. Nous savons par les 400 coups que le passage de l'enfance à l'adolescence n'a pas été pour lui une mince affaire. Mais le cinéma est là, pour lequel il s'est pris d'une passion précoce, exclusive, lucide en même temps, est déjà exigeante. La Libération, c'est donc cette période pendant laquelle il n'y a pas de cinéma, il y a du music-hall dans les cinémas. Deuxième période, certains cinémas rouvrent, mais ne passent que des actualités. Alors, Déportation, un film assez impressionnant, je crois commenté par Pierre Blanchard, un film sur la Libération de Paris, et les trois principaux, les trois premiers, Pourquoi nous combattons, supervisés par Capra, c'est-à-dire, je ne sais plus, Bataille de France, Bataille d'Angleterre, Bataille de Russie, des films d'information, mais bien faits, enfin impressionnants. Je pense que les Américains avaient fait ça pour, pas pour se rendre sympathique, c'est plus subtil que ça, mais enfin quand même pour faire comprendre en tout cas ce qui s'était passé. Et je les vois faute de mieux, parce que je n'aimais pas les documentaires, mais enfin je vais voir ces films-là quand même. Et puis, les films américains arrivent, alors, dans un désordre complet. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'était le désordre. C'est-à-dire que il y avait, dans les films américains qui arrivaient là, il y avait forcément des films d'avant-guerre. Il y avait des films de 36, 37, 38, des vieilles comédies de Cukor, des films, puis des films qui avaient été faits pendant la guerre, et puis des films nouveaux. Et tout ça dans n'importe quel ordre. Et on absorbait tout, surprise de voir des versions originales, parce que les films allemands et italiens qui étaient passés pendant la guerre étaient doublés en français, il n'y avait pas eu de version originale, en tout cas je n'avais jamais vu. Donc, découverte de la version originale. Et, goût pour la version originale? Oh non, au début j'étais contre, et puis après on en discutait aussi, en classe, pour, contre, et puis je crois que la première fois, je ne sais pas, mais quand j'en ai vu un qui m'a plu, après je n'ai plus fait attention. Après, vraiment indifféremment, je suis allé voir les deux. Et quand, avec toujours cette idée de revoir les films plusieurs fois, il y a des films que je suis arrivé à connaître aussi bien dans l'une que dans l'autre version. Un film comme Big Sleep, justement, de Big Sleep de Hawks, je le connaissais aussi bien en doublé qu'en VO. J'y allais de toute façon. Si le cinéma était en VO, je voyais en VO. Si c'était en doublé, je voyais en doublé. Oui, d'ailleurs, je crois que vous aviez écrit à dommage à la doublure de Bogart à un certain moment. Ah oui, en plus, j'avais remarqué que Humphrey Bogart était doublé par deux acteurs qui se relayaient, qui étaient, je crois, Raymond Loyer et Claude Perrand. Et oui, je m'étais amusé à reconnaître les voix et j'aimais beaucoup ces deux voix. Oui, je trouve que Bogart n'a pas souffert du doublage en France. Il y a des acteurs indoublables comme Gary Grant, pour la bonne raison aussi que Gary Grant jouait souvent des comédies et que les comédies sont moins facilement doublables que les films sérieux. Mais je sais que les films de Bogart gardaient leur rythme. Ce sont des films très rythmés. Bogart était un acteur très rythmé. L'acteur qui le doublait était obligé d'aller vite. Et du moment qu'on prenait une voix grave, c'était parfait. Et est-ce que ça correspond à une boulimie cinéphilique, cette période? Est-ce que vous en voyez beaucoup, beaucoup? Ah bah oui, parce qu'il y a une accélération à partir de ce moment-là. Il y a, je sais pas, j'ai dû passer de 50 films par an à 100, puis à 150, puis à 200. Il y a eu une idée, si vous voulez, de battre des records sans, je sais pas... Mais enfin, certainement, oui, il y a eu un désir à un moment de voir 2-3 films par jour entre 45 et 50, ça. Entre 1945 et 1950, c'est ça. Il y avait vraiment la recherche du plus grand nombre de films possibles à voir. Et ils étaient répertoriés dans un carnet alphabétique, et donc avec des croix qui indiquaient combien de fois je les avais vus, puisque je reprenais le titre dans l'alphabet. Et puis après, je suis passé de là à des agendas, simplement, où je marquais les films que j'avais vus dans la journée. Alors, est-ce que... quelle littérature cinématographique lisez-vous à l'époque? C'est Cinémonde, c'est... Cinévie, je crois, avant Cinémonde. Cinévie, Cinémiroir et l'écran français. Oui, je crois que ce sont ces trois journaux-là. L'écran français, oui. Cinévie, Cinémiroir, c'était des journaux. Cinémiroir correspondait un peu à Ciné-Revue maintenant. C'était des journaux, donc, très branchés sur Hollywood et de toute façon sur l'idée de vedette. Hein. On parlait vraiment très peu de metteurs en scène. L'écran français avait une espèce de côté culturel. Mais l'écran français m'a vite choqué parce que il était français, comment dirais-je, il était chauvin, il était anti-américain. Bon, il était probablement d'obédience communiste, je suppose, oui, certainement. Il est devenu français, d'obédience communiste, ça, c'est. Il est devenu. Et alors l'écran français donc luttait pour la profession, et la profession à l'époque disait, c'était peut-être vrai d'ailleurs, que dans les accords Bloom-Burns, le cinéma avait été sacrifié, c'est-à-dire qu'on avait négocié avec les Américains, on avait cédé sur la question du cinéma, ils avaient une immense masse de produits à apporter. Et pour le cinéma français, certainement, j'espère que vous aurez d'autres témoignages que le mien, les choses avaient changé. C'est-à-dire que la guerre avait été la providence. Pendant la guerre, les dancings avaient été fermés, toutes les distractions avaient été fermées, si bien que les gens allaient au cinéma comme des fous, et puis il faisait froid dans les maisons, il faisait plus chaud au cinéma, donc le dimanche, la queue commençait à midi pour la séance de 2 heures, sur tout le boulevard, depuis Barbès jusqu'à Clichy, donc j'imagine que c'était pareil dans le reste de Paris. Les cinémas étaient bourrés sans discontinuer, et les films français s'étaient amortis sur le seul territoire français, les films donc d'Autant Lara, qui débutaient à ce moment-là, de Kayat, de gens comme ça, de Becker aussi, et Clouzot. Bon, et puis ce cinéma français se retrouvait, après la Libération, en compétition avec le cinéma américain. Probablement les films ne devaient pas être encore bien exportables ou difficiles à vendre à l'étranger. Et là, voilà, la situation de tous ces gens, et aussi des acteurs et des techniciens, devenait précaire. Alors il y avait ce comité de défense du cinéma français qui essayait d'obtenir la limitation du nombre de films américains sortant à Paris, ou bien d'obliger un large quota à rester uniquement en version originale. Et moi j'étais tout à fait contre ça, parce que à partir du moment où les films américains sont arrivés, un peu arbitrairement, un peu excessivement disons, j'ai renié le cinéma français, j'ai dit c'était de la connerie, tous ces films que j'ai vus pendant la guerre, Pierre Freinet, machin, Pierre-Richard Wilm, Ginette Leclerc, tout ça, il y en a marre, c'est les vrais acteurs, sont les gens d'Hollywood, les acteurs et les metteurs en scène. J'ai commencé à noter le nom des metteurs en scène, en principe surtout sur les films américains. En sortant, quand le film me plaisait, je regardais l'affiche, je notais le nom du type. Est-ce que vous étiez sensible au star system, enfin au charme des vedettes d'Hollywood? Oui, pour des gens comme Bogart, oui. Oui, seulement, une chose qui me frappe, par exemple, encore aujourd'hui, j'y pense souvent, c'est que quand on est cinéphile, c'est différent parce qu'on a davantage d'informations aujourd'hui. Mais, par exemple, on n'a pas conscience de qui sont les grandes vedettes et qui sont les vedettes moins importantes. Aujourd'hui, si vous voyez, je ne veux pas citer de nom encore, mais enfin, disons qu'à l'époque, je suppose que quand Glenn Ford était dans un film, ça voulait dire que ce film avait été refusé par des grandes vedettes. Ou quand Joel McCrea était dans un film, ça voulait dire que Gary Cooper ne l'avait pas tourné. On n'en est pas conscient, ça, quand on est cinéphile. Et on aime Glenn Ford et on aime Joel McCrea. Et aujourd'hui, il y a une information, il y a des interviews de vedettes à la télévision, il y a des informations sur les chiffres que font les films dans les journaux. Alors je suppose qu'aujourd'hui, les gens savent que Belmondo et Delon sont plus importants que XY. Mais je crois qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte de ça. Alors c'était des vraies préférences, effectivement, mais mes préférences, elles allaient surtout, oui, sur certaines actrices comme Ida Lupino, comme John Bennett et tout ça. C'était, mais je ne sais pas, c'était un mélange. C'était, je crois, comme les gens, beaucoup de gens aujourd'hui encore, contrairement à ce qu'on dit, je choisissais un film en fonction d'une vague chimie entre le titre, l'affiche, les photos, le nom des gens et le contenu qu'on devine. Voilà, on devine que ça va vous convenir. Je ne sais pas moi, un film comme L'âme de fond ou un film qui évoquait du romanesque, des sentiments, une espèce de violence intérieure, parce que j'étais pas attiré par la violence, mais du romanesque, oui, de l'intrigue, vaguement pseudo-psychologique, disons, m'attirait forcément. Hein, n'importe quel film portant le mot maison dans le titre, la maison dans l'ombre, la maison sur la colline, la maison sur la dune, la maison, tous les films avec maison, j'ai dû les voir sûrement. Et est-ce que c'est à cette époque que vous commencez à découvrir le passé du cinéma? Parce que je crois que la Cinémathèque française commence à ouvrir à Messines après la Libération. Ah oui, non, quand même, vraiment plus tard. Je ne crois pas être allé. Je me suis remarqué, je ne sais pas, sur les années. Il faudrait que je retrouve. Je suis allé peut-être une ou deux fois au lycée. Je ne me souviens plus, en face de Luxembourg, l'Anglois faisait des séances là, le dimanche après-midi avant l'avenue de Messine. Et puis effectivement, l'avenue de Messine, où j'ai rencontré Rivette, Suzanne Schiffman, peut-être probablement Romer aussi, et un peu plus tard Jean-Luc Godard et Chabrol, non, j'ai rencontré ailleurs, je crois. Mais enfin, voilà, oui, ça c'est. Je ne sais pas, c'est pas l'année exacte. C'est plus tard. Probablement 48. C'est ça, oui. Probablement 48. Et alors, on en était resté à votre vocation tout à l'heure. Pendant la guerre et juste après, c'est une envie d'être romancier. Et alors là, justement, j'ai une question que je me pose personnellement depuis longtemps. Je me demande si le cinéma n'a pas détourné une génération littéraire entière. Je veux dire, est-ce que la nouvelle vague sans le cinéma n'aurait pas été une génération d'écrivains? Oui, c'est possible. Oui, oui. Oui, oui. Si, certainement. De romanciers, même, je veux dire. Oui, ou de poètes. On peut très bien imaginer Godard publiant des plaquettes de poèmes, par exemple. Essais, oui, sûrement. Et oui, oui, certainement. Si, c'est très plausible, c'est vraisemblable. C'est vraisemblable de Rivette aussi, et de Romer. Romer a écrit un livre, un roman à la Libération. Et oui, oui, c'est très plausible. Comment se fait-il que, brusquement, ces gens soient captés par le cinéma? Ces gens, en tout cas vous, disons. On pourrait l'attribuer à l'importance de 4 ou 5 films, là, dont Citizen Kane, dont Les Dames du Bois de Boulogne, disons les films qui ont servi de drapeau un peu à ce club Objectif 48-49, là, avec Lénard, Bazin et tout ça. Ce sont des films, on pouvait aimer le cinéma avant, on aimait le cinéma avant comme une chose inaccessible. Hein. On pouvait voir 10 fois Le Grand Sommeil, on ne pouvait pas s'imaginer à la place du metteur en scène qui fait Le Grand Sommeil. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était un produit d'Hollywood, parce que c'était, comment dirais-je, tout le film valait mieux que l'histoire qu'il mettait en cause. Et c'était un produit complètement exotique. C'était très loin, c'était très prestigieux et très loin. L'arrivée de Citizen Kane est un grand événement, parce que c'est un film... bien que inégalé, probablement toujours à travers les référendums, les divers questionnaires, le meilleur film du cinéma parlant pour tout le monde, bien que ce soit une espèce de récapitulation de toutes les inventions visuelles du cinéma, bien que, malgré tout ça, c'est un film qui est proche et amical, comme un roman, curieusement. Parce qu'un jeune homme de 25 ans, il parle à la première personne, donne l'impression de parler à la première personne. Il y a ça. Il y a donc ce Citizen Kane qui peut faire penser à des gens, tiens, moi aussi j'aimerais faire des films. Je crois que c'est ça l'a fait, ça c'est ce qui s'est produit pour Astruc, c'est ce qui s'est produit sûrement pour Lénard, pour d'autres gens. Il y a Les Dames Bois de Boulogne. Ça c'est un petit peu antérieur, parce que Les Dames Bois de Boulogne c'est l'époque de la Libération, Les Dames Bois de Boulogne qui sortent au milieu de l'indifférence et même de l'hostilité générale, avec des gens qui suivent, qui s'en vont, une critique abominable et tout, et qui fascine quelques-uns par le dialogue de Cocteau, par le fait, à mon avis, qu'on n'a pas assez signalé, que c'est un des rares films passionnés, vraiment, de cette époque-là, c'est-à-dire un des rares films qui montre des rapports amoureux au niveau de la passion, et le style, enfin, quelque chose d'un film mystérieux qui n'est pas rattachable à toute la production française de l'année, ni même des années avant, et qui, là aussi, donne l'impression que d'une proximité de pensée, d'une proximité Alors, je vois ça, les Dames Bois de Boulogne, Citizen Kane, je crois que c'est... Oui, oui. Probablement aussi la découverte à ce moment-là, à retardement de la règle du jeu. Alors, la règle du jeu, qui a été interdite pendant la durée de la guerre, qui ressort dans des copies très variées, des copies plus ou moins longues, dans les cinémas commercialement et dans les ciné-clubs aussi, et qui devient en quelques mois le classique des ciné-clubs, hein, qui devient vraiment dans ces quelques mois, puisque évidemment les questions de chronologie sont bousculées, on revoit dans les ciné-clubs La règle du jeu, le ciné-club et cinéma, et aussi le Vigo, Zéro de conduite, Atalante, qui devient également le classique des ciné-clubs. Alors je crois que c'est ça, c'est cette espèce de fond de 7 ou 8 films qui opère le basculement dont vous parlez. Et alors pour vous, hein, personnellement et intellectuellement, il y a la présence d'André Bazin. Oui, absolument. André Bazin, c'est ça. La première fois que j'entends parler de lui, je crois, c'est quand j'achète la revue du cinéma. Je me souviens d'un extraordinaire article sur Verdou. Et puis, je m'inscris dans un de ses ciné-clubs, le ciné-club La Chambre Noire, je crois, rue de Sèvres, au Sèvres-Pâté. Et là, il y a des films, on présente des films, justement, une fois tout Vigo, en une seule séance. Et après la séance, il y a une table là, et deux, trois personnes viennent s'asseoir, je crois, Jacques Bourgeois, qui maintenant s'intéresse davantage à la musique, je ne me souviens plus qui d'autre, et Bazin. Et Bazin est le plus intéressant de très loin. Et puis à cette époque-là, moi je travaille, j'ai arrêté les études, je travaille et j'ai l'idée de faire un ciné-club. Et alors je rencontre, mon ciné-club doit fonctionner le dimanche matin au Cluny Palace, et alors je rencontre Bazin parce que au même moment, les séances d'objectifs 49, 48 qui avaient lieu avant le soir en semaine, je sais plus quoi, se mettent à avoir lieu le dimanche matin, donc j'essaie de m'entendre avec lui sur ces fonctionner en alternance parce qu'il n'y a pas de place pour deux ciné-clubs le dimanche matin. C'est déjà risqué de vouloir faire lever les gens le dimanche matin à 10h, je crois en plein hiver. Et puis on se parle comme ça plusieurs fois à la sortie de divers films. J'ai en panne là. Cette panne, comme vous le pensez bien, n'est pas fortuite. La retenue de François Truffaut est trop connue pour que j'insiste à mon tour. D'autant qu'il y a un texte de Truffaut sur André Bazin qui dit très exactement ce qu'il aurait pu nous dire. Tous ceux qui ont eu la chance de connaître André Bazin s'accordent à le décrire comme un homme étonnant, d'une très forte personnalité, et je ne crains pas d'employer cette expression au pied de la lettre, un être d'exception. André Bazin avait l'innocence d'un personnage de Giraudoux. Sa bonté était quasiment légendaire. On s'en amusait avec tendresse, parfois pour cacher l'émotion qu'elle suscitait. Sa maladie dura 10 années, dont les 5 dernières ne laissaient aucun doute sur l'issue, mais son extraordinaire santé morale faisait le contrepoids. Bazin empruntait de l'argent à voix haute et il en prêtait à voix basse. Comme il trouvait absurde et anormal de circuler seul dans une voiture de 4 places, il lui arrivait souvent, à l'arrêt d'autobus de Nogent, d'inviter 3 voyageurs qu'il déposait ensuite dans Paris. Lorsqu'il s'absentait de Paris pour plusieurs semaines avec Jeannine et son fils Florent, il téléphonait à ses amis pour prêter à l'un sa maison, à l'autre sa voiture. Il n'aimait pas seulement le cinéma, ou pour être plus exact, le cinéma n'était pas pour lui un refuge, car il aimait également la vie, les gens et aussi les animaux. Il en avait élevé chez lui de toutes sortes, d'un caméléon à un perroquet en passant par des écureuils, des tortues, un crocodile et même un iguane du Brésil qu'il nourrissait lui-même de morceaux d'œufs durs piqués sur un bâtonnet. Bazin était un merveilleux dialecticien. Chacun de ses développements donnait à son interlocuteur l'impression de voir la logique en action. Il croyait au pouvoir absolu de la discussion et il en faisait la preuve constamment. Loin de le desservir, son bégaiement l'aidait à se faire mieux écouter. J'ai vu des gens, commerçants ou agents de police, commencer avec lui une discussion dans la mauvaise humeur et la mauvaise foi, se transformer à son contact et devenir logique et honnête, tant sa bonté et sa logique étaient convaincantes et contagieuse. Dans un premier temps de la discussion, il épousait la thèse adverse, comme pour montrer qu'il l'avait bien comprise. Puis il l'a réfutée, avec douceur et précision, laissant la conversation ouverte, afin de ne pas imposer la conclusion. Finalement, Bazin est mort sans avoir ni ennemi, ni adversaire, ni détracteur. Pour toutes les raisons que j'ai dites, mais aussi parce que sa conduite avec les autres les amenait à la réciprocité. Tout le monde se comportait bien avec André Bazin, chacun s'améliorait à son contact. C'était François Truffaut, au micro de Claude-Jean Philippe, dans Le cinéma des cinéastes, diffusé la première fois le 8 février 1976 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.